Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Mitku chaborun simawon kinekiguri. Mitku chaborun simawon kinekiguri. La clé. Inoni wogi pungue. Inoni wogi pungue. Le verre. Inoni go classe. Inoni go classe. La montre. Inoni go site. Inoni go site. Les lunettes. Inoni go now. Inoni go now. Les lunettes. Inoni go now. Inoni go now. Le téléphone. Inoni go simoy. Inoni go simoy. Le peigne. Inoni go kasunue. Inoni go kasunue. Les ciseaux. Inoni go magase. Inoni go magase. Le rasoir. Inoni go embe. Inoni go embe. L'enveloppe. Inoni go pashe. Inoni go pashe. Le crayon. Inoni go kilame. Inoni go kilame.